Peux avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît? Surprise! Il y a quelqu'un! Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoûté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais il n'y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Ça ira mieux demain. L'émission! Que la fête commence, les amis! Que la fête commence, et oui, et la fête va commencer avant d'attaquer avec une bande-annonce mémorable, puisque ça y est, ça prend forme. La saison 3 des chroniques de Bridgerton, eh bien, arrive, c'est pour le mois de mai, c'est pour le mois qui arrive. Et ça va faire un carton, c'est sûr, depuis le temps qu'on attend cette saison 3. Nous reviendrons dans quelques instants également aussi sur la série phare. Une des séries peut-être de l'année, cette fois-ci ce sera vrai. La série d'Amazon Prime qui dévoile encore un nouveau jeu vidéo dont on a parlé il y a quelques temps. Fallout. Et puis dans quelques instants, une découverte qui pourrait être sympathique à découvrir dès la semaine prochaine, 24 avril sur Disney+, c'est la série Tracker. On en parle dans quelques instants. Avant cela, on aura découvert le nouveau single tiré de l'album qui est sorti aujourd'hui de Taylor Swift. Ça s'appelle Fortnite. C'est le coup de cœur de Manon ? Oui, c'est le coup de cœur. Bah, je l'ai pas encore écouté, donc je veux bien l'écouter. Effectivement. Alors, comment ça peut être un coup de cœur si elle a pas écouté? Parce que moi, j'ai écouté un titre, c'est 24 Team, c'est la reprise de Chérie Chérie Lady, et c'est mon coup de cœur. Ouais, et ben. Et je l'ai écouté. Et ben, pas aujourd'hui. Ok, d'accord. All of this to say, I hope you're okay, but you're C'était Fortnite, le nouveau titre de notre ami Taylor Swift, tout en douceur. Du Taylor Swift qui Taylor Swift bien. Hein. Ah, ça c'est, on la reconnaît. Hein. Ah, ça c'est clair que. Après, c'est pas. Voilà, c'est sympa, mais bon, c'est pas innovant non plus. Hein. C'est, oui, c'est ça. C'est, voilà. Mais ça s'écoute super bien. Ça s'écoute super bien. Surtout en voiture, on s'imagine rouler. Voilà. Bah, si vous voulez un titre innovant. Oui, non, merci. Allez, là, je vous parle de Tracker. Tracker sort le 24 avril, c'est la semaine prochaine, 24. On sera mercredi, je crois, c'est ça ? Hein ? Regardez vos calendriers. Ouais. Une nouvelle série policière sur Disney+. Et franchement, il y a un petit quelque chose qui m'intéresse dans celle-là. Cette série, elle a été lancée le 12 février aux États-Unis devant 18 millions de téléspectateurs. C'est fou quand même, hein, une série qui fait 18 millions. C'est rare. Bon, elle était un peu aidée parce qu'elle elle s'est placée juste après le Super Bowl. Vous savez, c'est quand on veut tester un truc, une nouveauté, et bien on lance après le Super Bowl. Bah, souvenez-vous, hein, dans les années 2000, on avait fait un sacré test. On avait testé une série qui s'appelait 24. À l'époque, oui, exact. À l'époque, et ça avait fait un carton. Ouais, ouais, exactement. Et là, après, les NCIS, tout ça, quand il y avait des épisodes un peu particuliers, ou les Grey's Anatomy, hop, ça se plaçait juste après le Super Bowl. Et donc, quand même, 18 millions ont découvert cette série. Alors, effectivement, bon, rares sont les NCIS qui peuvent, après avoir fait 18 millions, rester à 18 millions. Là, on est redescendu à 6 millions, 6 millions et demi. Mais depuis, chaque semaine, ça remonte. Et là, l'épisode de la semaine dernière était à 7 millions et demi. Donc, ça veut dire que c'est une série qui est plutôt captive et qui est plutôt qui reçoit et bien reçue par les téléspectateurs. Et en plus, à sa tête, il y a Justin Hartley, eh bien, rappelez-vous, c'est un des héros, c'est le Kevin Pearson de This Is Us. Si vous avez regardé la version américaine de This Is Us, eh bien, il jouait le rôle de Kevin Pearson. Et cette Pearson et cette série qui s'est arrêtée en mai 2022, eh bien, l'acteur avait du temps et de disponible et il a mis à profit pour être le héros de cette série qui s'appelle Tracker. Alors, c'est une adaptation d'un best-seller de Jeffrey Davis qui s'appelle The Never Game. Dans cette série, il y joue Colter Shaw, un personnage singulier dans l'univers de la fiction puisqu'il est un chasseur de primes moderne, un espèce de Cold Silver des temps modernes. Cold Silvers. Ah, Cold Silvers des temps Cold modernes. Cold Silvers, l'homme qui tombe à pic. Voilà. Et d'ailleurs, donc, on attend toujours le film. Oui, aussi. Exact. On nous a fait des bandes-annonces l'année dernière, et là, on n'a toujours rien. Et lui, ce Colter Shaw, à bord de sa caravane tout équipée, et ce loup solitaire qui a mis une distance entre lui et le monde, eh bien, aide des citoyens ou les forces de l'ordre à retrouver la trace des gens ou des objets de valeur, ce en quoi il excelle. Et il est payé pour chaque mission réussie. C'est vrai que c'est un peu ce que faisait notre ami Cole Silver, c'était exactement ça. Alors, bah, bon, lui, il était vraiment chasseur de primes. Il était plutôt, oui, chasseur de primes. Oui. Lui, il est plutôt homme, j'allais dire homme des cavernes, j'exagère, mais il est bien ancré dans la terre. Hein. C'est la forêt, voilà. C'est un petit peu plutôt un survivaliste, comme on peut le voir dans la bande-annonce. Tracker promet donc, en plus de ses enquêtes policières pour retrouver un objet ou pour retrouver une personne ou pour aider la police, Tracker, c'est aussi l'histoire d'une famille et des troubles et des secrets de sa propre famille. Donc voilà, qui, évidemment, un personnage qui a des démons intérieurs, hein, sinon il ne ferait pas de la télé. Hein. Et il y a des conflits familiaux. Donc cette série est donc une invitation à suivre une aventure pleine de suspense et de rebondissements inattendus et de révélations surprenantes sur sa vie. Et donc ça arrive dès ce mercredi sur Disney+, donc 24 avril. On ne sait pas encore si ça va être d'un bloc ou si effectivement vous pourrez le voir un épisode par semaine. Il y en a 8. Hein. C'est une petite série, et une série plutôt courte. Pour vous informer sur cette série également, elle a déjà été renouvelée pour une saison 2. Donc, c'est qu'il y a du potentiel. Et elle est très musicale également. Et je vous propose une chanson qu'on entend très souvent dans ces 8 épisodes. Ça s'appelle « I'm... » I'm the One of the Rest et c'est chanté par le groupe Talk. Ça ira mieux demain. L'émission! Every night when I go to sleep, I try to find you in my dreams. Feel your heart as you walk along. Every beat feels like a bomb. I would fly over mountains, see the world and the love and the lights. I would cry at the fountains with the hope I could keep you alive. Jumped off when I was a kid. I would fly over mountains, see the world and the love and the lights. I would cry at the fountains with the hope I could keep you alive. musique qui va bien avec la série. Hein. On sent le côté un peu survivaliste dans cette chanson. Allez, un petit palais pour découvrir des bandes annonces. La bande annonce de la semaine. Bienvenue au palais. Oui, parce que la bande annonce de la semaine, une bande annonce qui est absolument magnifique, mais j'espère qu'il ne va pas nous dévoiler tout dans la bande-annonce parce qu'elle est longue et on comprend très bien ce qui va se passer. Elle vous explique l'intrigue principale du troisième volet de la chronique des Bridgerton, puisque cette troisième saison suivra la relation entre Colin Bridgerton et Penelope Featherington. Et Manon ne va pas dire qui est Penelope Featherington. On ne dira pas. Non, ok, on le dit pas alors. On ne le dira pas. C'est qui ? Il faut pas le dire. Ah bon ? Il s'en rappelle plus. Mais si, si, mais parce que si on... Ok, ok, on le dit pas. Ça, vous le dites pas parce que c'est pour éviter de spoiler. Voilà, bah, si vous avez vu la saison 2, vous le savez à la fin, parce qu'on sait que c'est elle. Ah, donc voilà, vous respectez ceux qui regardent. On respecte ceux qui regardent, mais si vous comprenez à travers les lignes, vous aurez vite compris de qui il s'agissait. Enfin bref. Il faut avoir vu la série. Oui, c'est sûr. Voilà. Si on n'a pas vu la série, c'est clair. Et voici donc cette bande-annonce qui vous dit tout et on retrouve, j'allais dire, la voix. Non, pas rien à voir avec la voix qui va bientôt revenir sur TF1 dans Secret Story, mais c'est la voix de la reine qui parle. Très cher lecteur, nous avons été séparés bien trop longtemps. Enfin, la haute société londonienne a fait son retour. Et il semble que notre cercle d'aristocrates ait suivi le mouvement, tout comme votre chroniqueuse. Je ne peux vivre chez moi plus longtemps. Je dois prendre un époux. Est-ce que madame aurait un certain prétendant à l'esprit ? Serait-ce notre frère ? Colin ? Mon frère, sous quel soleil lointain as-tu pris cette apparence si vigoureuse ? Penelope, je suis ravie de vous revoir. Ravie ? Quelque chose ne va pas. Il semble que chaque Bridgerton soit né pour attirer l'attention. Certaines d'entre nous en manquent cruellement. Si c'est un mari que vous cherchez, alors laissez-moi vous aider. Ne sommes-nous pas amis ? Amis. J'aimerais déjà avoir un aperçu de vos talents. C'est une grande joie de vous rencontrer tous les trois. Quelle somptueuse journée ensoleillée. Vous avez le droit de considérer mon cas désespéré. Je vous interdis de dire cela. Vous êtes Penelope Featherington, ne l'oubliez pas. Elle ne met pas ses espoirs en toi, j'espère. Non, je me contente de l'aider à en trouver un. Depuis quand t'inquiètes-tu pour Penelope ? Ce que votre chroniqueuse sait avec certitude, c'est qu'il n'y a pas que les diamants qui brillent parmi les pierres précieuses. Lord Dibbling, il est tout à fait désireux de convoler cette saison. Vous êtes particulièrement en beauté ce soir, Miss Featherington. Vous vous en êtes magnifiquement sortie. Que pourriez-vous vouloir de plus ? Mère, je croyais que pour vous, la meilleure base pour le grand amour était l'amitié. Il est plutôt rare. Vous devez simplement suivre votre cœur. Quelle est la force fondamentale qui nous guide sur notre route ? Penelope. Est-ce notre esprit ou notre cœur ? Est-ce notre esprit ou notre cœur ? Voilà, on le saura. Donc franchement, une belle série qui, comme fait très souvent Netflix avec ses gros blockbusters, on va dire, découpera la saison en deux parties. Il y aura le 16 mai, la première partie, et la seconde arrivera le mois d'après, le 13 juin. Donc il faudra voilà, attendre patiemment encore une bonne, enfin à peu près trois semaines pour la première partie le 16 mai, puis un mois après, le 13 juin, pour la suite. Allez, avant de terminer avec avec Fallout, que l'on a vu hier avec Manon. On va vous en dire quelques mots. Rapidement, on découvre le nouveau Inigo Quintero, que je te fais découvrir aussi, Manon. Je ne suis pas sûr que tu l'aies déjà entendu. Non. Et c'est un tout nouveau, ça s'appelle Desconocido, que tu me traduiras par... Aucune idée. Étranger. C'est aucune idée ou étranger? Non, étranger. Parce qu'il faudrait expliquer. L'étranger. C'est quoi, pourquoi la différence? Elle dit aucune idée. C'est l'étranger. Desconocido. Ah, pour toi qui fais ton bac d'espagnol aussi. Ah oui. Voilà. Elle en fait des bacs. Elle en fait des bacs. Ouais. Hein. Elle est à fond sur le bac à sable aussi en ce moment. ¿Qué me has hecho pa' pensar que ya no soy tu amigo? ¿De qué vale tu mirada si no soy testigo? Buscas a alguien para amar, yo estaba tan vacío. Ya no vienes a por mí, soy un desconocido. Soy un desconocido. Si nunca he querido quedarme, entraba siempre por detrás para que no te viese nadie. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si al final iba a destrozarme, pues no era parte de tu plan. No me va a costar alejarme. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué me has hecho pa' pensar que ya no soy tu amigo? ¿De qué vale tu mirada si no soy testigo? Buscas a alguien para amar, yo estaba tan vacío. Ya no vienes a por mí, soy un desconocido. Soy un desconocido. No quería nada en la vida, solo esa sintonía que nunca se da. Tú eras todo lo que pedía, ya no mires arriba, que te quedara, que te quedara. ¿Qué más da? Si nunca he querido quedarme, entraba siempre por detrás, para que no te viese nadie. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si al final iba a destrozarme, pues no era parte de tu plan. No me va a costar alejarme. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? C'était le nouveau Inigo Quintero avec Desconocido. Allez, on termine avec un petit retour sur Fallout, ces nouvelles séries à succès qui pourraient être une des séries de l'année 2024. Après The Last of Us, Amazon Prime Video a proposé l'adaptation de la saga d'un autre jeu vidéo. Ça s'appelle Fallout, Tombé. Cette nouvelle série vous invite à plonger dans un univers post-apocalyptique convaincant, oui, on peut le dire, parce que nous avons été... Alors, peut-être pas encore trop Manon, hein, soyons... J'attends de voir la suite. ...purement objectif, mais moi qui m'a plutôt convaincu, il y a de l'action, il y a de l'humour. Et puis, il y a un peu cette découverte de ce monde, de notre monde d'aujourd'hui, qui tourne pas très rond. Et alors, de là à dire que c'est une projection de notre monde actuel qui déconne un peu, il n'y a pas loin, quand même. Ouais. Alors... Concrètement, vous voulez qu'on résume un peu l'action, cette série suit trois personnages. Il y a tout d'abord Lucie qui est une fille d'un superviseur d'un abri atomique, l'abri 33, qui va être amenée un jour ou l'autre, parce que ça se gâte un peu dans son abri, on ne vous dira pas comment, à sortir sur Terre et à découvrir ce monde post-apocalyptique. Il y a Maximus, un novice de la confrérie de l'acier, qui est une organisation militaire et presque religieuse dont l'objectif est la sauvegarde des reliques d'avant-guerre, d'avant la Grande Guerre. Alors nous, quand on parle de la Grande Guerre, c'est la 14-18. Eh bien, pour eux, la Grande Guerre, c'est celle de 2077. Et enfin, alors le personnage peut-être le plus surprenant, drôle, même si, eh bien, lui, il aime bien zigouiller tout le monde, c'est le chasseur de primes. Voilà encore un autre chasseur de primes. Un autre modèle. Alors, tout à l'heure, on avait l'homme qui tombe à pic dans un style. Il avait du nez. Il avait du nez. Et on en a un autre un peu dans la forêt, un peu survivaliste, mais quand même avec tous ses membres sur lui. Et on a la goule. La goule, c'est... Eh bien, c'est... La goule, ce sont des êtres humains qui sont difformes en raison des radiations. Ils se sont pris des radiations, donc du coup, la goule, lui, eh bien, il a perdu son nez. Carrément. Voilà. Mais il est là depuis plus de 200 ans et voilà, ça lui a permis d'affûter autant ses compétences de tir que ses vannes, puisqu'il a beaucoup, beaucoup d'humour. Ça ne l'empêche pas qu'il tire un petit peu partout. Voilà ces trois personnages qui sont présentés dans le premier épisode. Un premier épisode de 66 minutes quand même, qui vous invite à bien à poursuivre l'aventure de ces 8 épisodes. Et franchement, cette série m'a plutôt convaincu et m'a donné envie de voir la suite sans être obligé, voilà, sans obligation, on va dire, professionnelle pour vous en informer, comme ça avait été un peu le cas, il faut quand même l'avouer, avec The Last of Us, puisque c'est que vers la fin, les deux tiers, où on s'était dit, oui, finalement, pourquoi pas, il y a un petit intérêt, parce que on s'attachait tellement au personnage, dès qu'on s'attachait un peu, il se retrouvait mort. Donc là, effectivement, on s'attache un peu aux personnages, à ces trois personnages un petit peu différents qui vont nous emmener sur cette terre pour essayer de survivre dans ce monde post-apocalyptique avec plein de radiations partout. Alors moi, je peux vous proposer une explication pour vous dire comment cette série est aussi prenante, aussi réussie. Je t'écoute. Derrière, on a un certain Jonathan Nolan. Exactement, oui, c'est effectivement, tu as raison. Et Jonathan Nolan, il y a quelques temps, il nous a proposé quelle série ? Westworld. Westworld. Exact. Ouais. Qui s'est injustement terminée, mais qui est une véritable pépite dans le monde de la SF. Mm. Et là, voilà, c'est aussi réussi que Westworld, je peux comprendre que la série Fallout vous ait capté. Et effectivement, et on retrouve l'esprit Westworld parce qu'il y a un peu côté western aussi. Il a remis une petite touche western. Franchement, c'est difficile d'en parler, mais il faut le voir. Mais ces trois personnages, voilà, si vous avez déjà dans votre esprit ces trois personnages qui vont, à mon avis, à un moment donné, se rencontrer ou vivre ensemble une expérience ou être amené peut-être à s'entraider, ou je ne sais pas. Je n'en suis qu'au début. Mais sincèrement, à mon avis, une série dont on devrait entendre longtemps parler, avec des suites, certainement, c'est probable. Une série qui est très, très regardée, en tête d'ailleurs des séries d'Amazon Prime. Je ne vais pas vous quitter sans vous présenter la dernière nouveauté de la journée, l'album. Ah, on ne met pas la bande-annonce de Fallout ? Ah, si tu veux, on peut la remettre avant, si tu veux. Oui, allons-y. Vas-y, faisons-nous ce plaisir. Ah, bonjour. Je vais vous faire découvrir un merveilleux endroit. Une véritable citadelle de l'ère nucléaire, qui n'est pas l'œuvre de notre Seigneur, mais de l'homme moderne. Devenez un héros en réservant dès aujourd'hui une place dans un abri Voltec. Parce que si le pire arrive demain, le monde aura besoin de vous pour bâtir une meilleure vie d'après. Il est important que tout le monde comprenne que les abris servent le bien commun. Pour remonter un jour à la surface et relancer la civilisation. Tu peux me dire ce qui s'est passé ces 200 dernières années ? Nom d'un chien. T'es une vraie habitante d'Abri. C'est ça. Oh ! Je pensais que vous aviez tous crevé dans vos trous à rats. Tu te rends compte que c'est de la folie ? I don't want to set the world. Ce n'est pas comme l'Abri, c'est gigantesque. Higher. La semaine a été dure. Pratiquement toutes les personnes que j'ai croisées jusqu'à présent ont essayé de me tuer. Je vais simplement prélever vos organes. Hein ? Vous ne devez pas rester là. Vous avez grandi dans un monde de lois et de règles. Vous ne devriez pas rester seul. Pourquoi as-tu rejoint la confrérie ? Pour me venger de ceux qui m'ont fait du mal. Vous allez être traqué. Il n'y a pas grand-chose qui soit resté propre ici, ma jolie. C'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Un océan rempli d'un sacré paquet de drogue. Quand on regarde ces terres désolées, tout ce qu'on voit, c'est du chaos. Mais il y a toujours quelqu'un aux commandes. Ils veulent tous sauver le monde, sauf que... Ils sont pas d'accord sur la manière. Là, voilà. La petite tueuse. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois qu'on a parlé de Fallout, mais ce qui est adorable, c'est qu'on a l'impression que ça fait musique des années 60, 70, hein, et on est en 2070, enfin on est en 2200, voilà, c'est ça qui est drôle, enfin, qui est drôle. Voilà. Ouais, mais comme on a pas mal de remix, de, oui, oui, non, hein, mais... de flashback, de retour sur les années précédentes à notre époque. Pourquoi pas en 2000 et quelques avoir revenir, des, oui, effectivement. Oui. Des, pourquoi pas. Hein. Mais ce côté western et ambiance western est bien présent quand tu me parlais de, tu reparlais de Westworld et Jonathan Nolan. Allez, comme prévu, on se quitte avec donc Mylène Farmer, je le redis, qui a sorti son album de remix. Ah, il est sorti, ça y est. Il est sorti aujourd'hui même. Et elle en profite pour sortir un deuxième extrait. Ça s'appelle XXL par un remixeur qui s'appelle Blue Stally. Elle a fait appel à plein de remixeurs et celui-là est pas mal non plus. Moi, je vous retrouve dans 20 minutes, une vingtaine de minutes pour le Hot 40. Et puis, on se retrouvera un peu plus tard puisque c'est les vacances la semaine prochaine sur Fadjet. Donc, on aura un best-of. Un best-of. Longtemps qu'on n'a pas eu de best-of. Oui. J'aime bien les best-of, moi. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Quand soirée fine, cocktail, belle. Quand soirée fine, fleur de poubelle, tout est même. Qu'on soit des croissants de lune, qu'on soit des monts de Saturne, ou immergé ou en mule, nous on aura. On a besoin. On a besoin d'amour. Besoin d'un amour XXL. On veut de l'amour XXL. Qu'on soit les filles de l'histoire rare, qu'on soit les filles.